Ensa, DLK Arifa, pour efficacité 2012. J'ai trop de choses à dire, mais j'ai compris que c'était une maladie. Une maladie c'est quoi? C'est comprendre ce que le mal a dit. L'âne pour idole, déjà à l'école, prenez du hmaratir. À se raconter de la merde, nous-mêmes on se baratine. Chaque jour marque un échec dans le combat contre la routine. On le maquille avec du rouge autour de la rétine. J'ai vu survoler des vautours au-dessus de la route du din. J'ai vu des frères faire la prière avec des barrettes dans le jean. Si je me barre, je reste digne. Digne comme l'était Gandhi, digne avec un grand D. Le jour où je signe, on pourra dire que j'ai grandi. Le peur à me soigne, des blessures les empêchent d'agrandir. Je pourrais dire que je suis un pêcheur, tellement j'ai péché. Y'avait trop d'âmes sont devant moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Capuché, le chétan qui épluche les âmes, désarme les hommes, dire qu'il y a des mômes qui brandissent des armes. Demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Mec du ghetto, je fais trembler ton palier. Rassembler les alliés, j'ai des rimes dans le barillet. Barillet, c'est la mort ou bien les palmiers. On a connu que la merde, cousin, tu peux pas le nier. Chez nous on prie pour de meilleurs lendemains. Ouais c'est pire qu'en l'an 2000, l'état nous étrangle à demain. Quand on s'enfume c'est pas du com, on incarne aucun rôle. Suffit d'un coup de briquet pour qu'on décolle gros. On voit le code, le bonheur est dans un coffre. C'est pour les frères en Lacoste qui tailleraient bien sur la côte. Écoute, c'est nous qui tenons les cartes. C'est pour les quartiers, mon sort met des tartes. Premier couplet gratté à 15 piges dans une piole. On a grandi avec du poids sur les épaules. C'est pas la gloire qui compte, mais le chemin parcouru. C'est DLK, OMI, c'est un rap brut sans dorure. Te demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Te demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Des punchlines dans le chargeur, y'a des têtes qui vont tomber frère. Tu cherches à me la faire, sur mon compte tu t'es trompé. Ça rappe fort, ça perd fort sur une prod de A-Fort. J'pète la forme et j't'apporte du bon son près de ta porte. J'ai pas de potes, non, que des frères ou bien des connaissances. Ici les gens te baisent et par derrière t'allument comme l'essence. J'viserai les cannes jusqu'à ce que les putes et les condés dansent. Mate les compétences et au max, et tu vois qu'on les sens. 2012, on veut de l'oseille, pas du changement. Des rimes corsées étrangement, prévois un string étanche. Eh, j'donne du sens à mes phases et ça à chaque mesure. Salope, tu veux tout savoir, est-ce que j'te demande combien t'as chaque mesure? Y'a pas de mensonge, non, dans ce que j'dis à chaque message. Je connais la chanson et je veux pas finir comme Jacques Mess. Ah, je continue ma route, accompagné ou en solitaire. Et je continue mon rap, pour lui je pourrais remuer ciel et terre. Te demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Te demande pas qui est-ce qui pose, contente-toi d'écouter. Notre son te laisse des échymoses, trop percutants sont les couplets. On a des parcs et les couilles pleines, et sur la prod on s'est vidé. T'as plus qu'à payer ta bouteille, faire fumer ce que t'as évité. Ensa, DLK Arifa, pour efficacité 2012.